qui pleurent, qui laissent couler leur cœur. Ceux qui savent que leurs larmes sont comme des armes et que chaque blessure des plaies qui rassurent. J'aime les hommes qui pleurent, qui savent leurs erreurs, ceux qui se font oublier, les chiens sans collier, les mauvais écoliers, les derniers les humiliés. J'aime les hommes qui pleurent, les éternels voyageurs, les sans-bagages, juste quelques nuages, ceux qui savent reculer, les grands brûlés. Les hommes qui pleurent, ceux qui sont pas à la hauteur, les anciens boxeurs qui font dans la douceur. Ces amateurs, les mauvais acteurs. J'aime les hommes qui pleurent, les fuyards, les déserteurs, les magnifiques losers qui regardent ailleurs, les silencieux, les rêveurs, ces oiseaux migrateurs. J'aime les hommes qui pleurent, qui laissent couler leur cœur, ceux qui savent leurs erreurs, les éternels voyageurs, ceux qui sont pas à la hauteur, les fuyards, les déserteurs.